France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Comment l'imagination fonctionne-t-elle? C'est la série que nous vous proposons cette semaine. Elle nous fera voyager auprès de beaucoup de philosophes. Ce matin, premier épisode, la Fantasia selon Platon et Aristote. Anciens, l'imagination, qui se disait fantasia, était une sorte de relais. Un relais entre la sensation d'un côté et de l'autre, le raisonnement permettant le jugement. Mais me demandez-vous, ou me demanderiez-vous, cette fantasia, fabriquant des images à partir des sensations, est-elle un relais fiable? Pas toujours. Platon et Aristote disent tous deux que nos images intérieures peuvent être fausses. Mais alors, si l'erreur est possible, cela veut-il dire que l'imagination apporte des éléments nouveaux par rapport à la réalité qu'elle copie, et donc qu'elle est créatrice? Eh bien, pour tout vous dire, je ne sais pas trop, car j'ai l'impression malgré tout que l'idée d'imagination créatrice est moins chère aux anciens qu'aux modernes. Je compte donc beaucoup sur les invités d'aujourd'hui pour préciser tous ces points. Bonjour Anne Mercker. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. On apprécie beaucoup la façon dont vous expliquez les auteurs. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, spécialiste de philosophie ancienne. Vous avez publié sur Platon et sur Aristote. Et bonjour Anka Vassiliou. Vous êtes philosophe, directrice de recherche CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique à Sorbonne Université. Vous venez de co-diriger chez Vrin un ouvrage intitulé « Platon et la pensée de l'image ». Alors, vous l'avez trouvé ? Pas encore, mais je suis patient. Une bière pour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvé ? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Son idéal féminin. Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il, c'est un peintre poète. Il fait son service ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul. Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous aurez reconnu, je pense, Les Demoiselles de Rochefort, ce très beau film de Jacques Demy de 1967, dans lequel Maxence, incarné par Jacques Perrin, cherche son idéal féminin. Nous savons que c'est Delphine, ce personnage incarné par Catherine Deneuve, mais en vérité, comme ça, au début du film, on ne sait pas. On se dit qu'il a glané chez beaucoup de femmes plusieurs qualités, qu'il les a synthétisées dans son imagination. Et ainsi, il a forgé son idéal féminin. Anne Mercker, pensez-vous que Platon et Aristote pouvaient penser une telle chose, c'est-à-dire une capacité de synthèse de qualités diverses et notamment physiques, perçues au départ de manière disparate sur plusieurs individus? Penser une synthèse, oui. En revanche, vraiment le type un peu de l'idéal fantasmé, un peu romantique, on ne peut pas dire que ce soit présent dans les textes. Vous avez annoncé la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une imagination envisagée sous l'angle créateur chez les anciens. Je crois pouvoir répondre aussi bien pour Platon que pour Aristote que la dimension créatrice de la fantasia n'est certainement pas ce qui retient en premier lieu leur attention. Je vous remercie d'emblée répondre à ce problème que je me pose parce que en même temps, il y a une possibilité d'erreur. Oui, et donc alors, je m'étais dit que peut-être l'erreur signifie qu'on ajoutait des choses qui n'étaient pas dans la réalité. Ou qu'on les perçoit différemment. Alors, pour parler un petit peu précisément d'Aristote, qui est quand même celui qui va élaborer davantage un concept de faculté appelée la fantasia, qu'on peut traduire par imagination, même si ce n'est pas une traduction excellente. Aristote ancre très fortement l'imagination dans la sensation. Et c'est ça, c'est le travail qui est assez remarquable chez lui. Et ce qui l'intéresse, c'est plutôt ce rapport avec la sensation et comment ça part de la sensation pour finalement relativement s'autonomiser et s'émanciper. Mais certes, on peut attribuer, en lisant les textes d'Aristote, une théorie où la fantasia introduirait l'erreur. Certes, il y a de l'erreur dans la fantasia. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'Aristote a une conception de la sensation très complexe et très complète. Mmh. Il parle de certaines sensations dont il dit qu'elles sont absolument toujours vraies. Mmh. Donc notons bien que l'imagination s'enracine dans la sensation, elle provient de la sensation en acte, c'est une sorte de mouvement intérieur au corps et à l'âme qui provient de la sensation en acte. Si la sensation en acte, la sensation des sensibles propres, par exemple quand je vois de la couleur, il n'y a rien qui peut réfuter la vision de la couleur, c'est absolument vrai. La théorie aristotélicienne insiste sur la vérité de la sensation. En revanche, si je vois du mouvement, si je vois de la grandeur, là, c'est déjà pas tout à fait le même sensible. C'est un sensible que je peux percevoir aussi avec le toucher. C'est un sensible commun. Et là, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Là, il peut déjà y avoir de l'erreur. Donc, en fait, Aristote ne va pas désigner la fantasia comme peut le faire Pascal, maîtresse d'erreur et de fausseté. La fantasia n'est pas vraiment maîtresse d'erreur et de fausseté parce que l'essentiel se passe déjà dans la sensation. Déjà, on a cette articulation du vrai et du faux. Et en revanche, l'imagination, pour venir au thème vraiment de votre série, comment fonctionne l'imagination, ce qui intéresse Aristote, c'est que l'imagination intériorise l'objet sensoriel, c'est-à-dire la sensation déjà est une forme d'intériorisation, je ressens quelque chose dans le corps et dans l'âme, je sens une pierre qui est chaude, la pierre n'entre pas dans mon corps, mais la qualité de chaleur entre en quelque sorte dans l'âme, sans être complètement matérielle, et l'imagination, l'image de cette chaleur sentie, c'est encore quelque chose d'un petit peu plus abstrait, et ça fait effectivement le lien, comme vous l'avez suggéré, mais c'est parfaitement le cas chez Aristote, ça va déjà en direction de l'intellect qui est en quelque sorte la pensée intellectuelle de la chaleur. Je peux essayer de penser intellectuellement la chaleur. C'est encore plus abstrait. Et le stade de l'image, du fantasma, il est intermédiaire entre l'aisthéma, c'est-à-dire le contenu sensoriel dense avec son actualité, et le concept, par exemple, de chaleur ou le concept de couleur. Bon, eh bien écoutez, merci pour ce très long développement. Je ne comptais pas rentrer immédiatement dans tant de détails, d'autant que chronologiquement, Platon arrive avant Aristote. Je rappelle que Platon est né en 428 avant Jésus-Christ, mort en 348. On peut donc dire que ses principales œuvres arrivent dans la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote, c'est plutôt la deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il est né en 384 avant Jésus-Christ, mort en 322. Peut-être y a-t-il quand même du commun entre eux. Et pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas de spécialistes de philosophie ancienne, ça permettrait déjà de poser un certain nombre de choses. Anca Vassiliou, je reprends quand même cette question, disons première, qui était celle que j'ai posée à Anne Mercker. Est-ce que l'imagination est capable, à partir de perceptions diverses, sensorielle, hein, de faire des synthèses, de cette forme de création-là, créer de la synthèse, et donc par exemple imaginer un idéal féminin à partir de qualités dispersées sur plusieurs femmes, comme dans l'exemple des demoiselles de Rochefort. Est-ce que c'est possible chez Platon, comme ça l'est chez Aristote ? Pas vraiment. Ça l'est possible, disons, chez Plotin. Donc, chez Plotin. Alors Plotin, on passe carrément au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Dans la mesure où, quand il faut imaginer un dieu, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'on perçoit de beau, Et on va articuler les belles choses, une belle tête, un beau corps, pour réaliser l'idéal dont vous parlez. Oui. C'est pas exactement ce que conçoit Platon avec le terme fantasia et fantasma dont on a parlé, ou simplement l'acte même de fantasetta et de imaginer quelque chose. Mais je préciserai une chose qui me paraît fondamentale dans notre approche de l'imagination dans l'Antiquité. Pour les anciens, pour les Grecs, c'est la fantasia. Et pour nous, c'est l'imagination. Les deux termes ne correspondent pas vraiment. Alors, expliquez-moi ça, j'ai pas très bien compris. Eh bien, parce que imagination, mais nous avons image. Oui. Dans ce terme-là. Imago, le latin imago. Dans fantasia, nous avons phao, fausse, phainé, c'est-à-dire ce qui apparaît, ce qui se montre, ce qui brille, ce qui est lumineux. Oui. Et donc, ce relais dont vous parliez très précisément dans la présentation, dans mon introduction, oui, est un relais entre ce qui m'apparaît, puisqu'il se présente de manière lumineuse devant mes yeux ou dans mon esprit, les deux sont pas possibles, et ce que je fais, de ce que je comprends, ce que je produis. Il y a donc une forme de création, ce que je produis à partir de ce qui m'apparaît. Qu'est-ce que je produis? Je produis un discours qui peut être extérieur. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis « je vois telle chose », ou un discours intérieur, comme dit très clairement Platon à deux reprises au moins dans le Philèbe et dans le Sophiste, un discours intérieur, un discours silencieux que l'âme se tient à elle-même lorsque elle considère quelque chose qui lui est apparu. Oui. Et c'est donc l'apparition qui fait la fantasia. C'est l'apparition qui donne. Bon, pardon, j'entends, mais je trouve quand même que vous coupez un peu les cheveux en quatre. L'apparition des qualités de certaines femmes, puisqu'il s'agit de ça dans l'affaire de Parapluie de Cherbourg, Maxence voit des qualités chez plusieurs femmes, elles lui apparaissent, et à un moment, il en fait une synthèse en l'imagination. J'ai pas l'impression que cet exemple soit tout à fait impensable par Platon et Aristote. Mais laissons là ce point et allons directement vers la référence que vous venez de donner en Cavassilius. Vous venez d'évoquer le Philèbe, un dialogue de Platon, dans lequel Platon compare l'âme à un livre et il suggère donc que pour écrire dans ce livre, il y a d'une part un secrétaire qui écrit des discours, d'autre part un peintre qui dessine des images. On écoute. Il arrive souvent, quand un homme a aperçu de loin quelque objet qu'il ne distingue pas nettement, qu'il veuille juger de ce qu'il voit. Alors il s'interroge. Qu'est-ce que peut bien être ce qui apparaît debout près du rocher sous un arbre? N'est-ce pas, à ton avis, la question qu'il s'oppose à lui-même en apercevant certains objets de cette nature qui frappent ainsi la vue? Est-ce qu'ensuite notre homme, se répondant à lui-même, ne pourrait pas se dire « c'est un homme » et tomber juste? Il pourrait aussi se tromper et croyant que c'est l'œuvre de certains vergers, appeler « image » ce qu'il aperçoit. Et s'il avait quelqu'un près de lui, il exprimerait par la parole ce qu'il s'est dit à lui-même et le répéterait à voix haute à son compagnon. Et ce que nous avons appelé « opinion » deviendrait ainsi « discours ». Mais supposez qu'il soit seul, quand il a cette idée en lui-même. Il se peut qu'il marche assez longtemps avec cette idée dans la tête. Mon avis, c'est que notre âme ressemble alors à un livre. La mémoire, d'accord avec les sensations et les sentiments qui en dépendent, me paraissent alors écrire pour ainsi dire des discours dans nos âmes. Et quand le sentiment écrit la vérité, il en résulte qu'une opinion vraie et des discours vrais se forment en nous. Mais quand ce secrétaire intérieur y écrit des choses fausses, c'est l'opposé du vrai qui se produit. Admet encore un autre ouvrier qui se trouve en même temps dans notre âme, un peintre qui, après le secrétaire, peint dans l'âme les images des choses exprimées par la parole. Aussi, on voit en quelque sorte en soi-même les images de ce que l'on a pensé ou dit. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, c'était Carla Michel qui lisait cet extrait du Philebe de Platon. Anka Vassiliou, dites-moi un peu, ce secrétaire intérieur qui rapporte des paroles entendues et qui les met dans notre cinéma intérieur, si j'ose dire, pour parler comme une moderne, et ce peintre qui reproduit des images perçues, sont-ils fiables ? Oui, ils le sont, dans la mesure où ce qui se passe dans l'âme par la sensation, par le fait d'avoir aperçu, d'avoir vu, l'âme les recueille et en distingue, produit de manière distinctive, oui, les raisons des choses qu'il a obtenues par la sensation, pour parler de façon très moderne de la manière dont Platon conçoit le fait d'apercevoir quelque chose dont on ne connaît pas exactement l'identité, mais que l'âme recueille et observe l'objet perçu. Mais cet objet perçu, et j'insiste là-dessus, c'est un objet qui se montre dans la lumière. Est-ce qu'on pourrait parler d'une lumière intérieure? Oui, comme les psys aujourd'hui parlent d'ailleurs d'une scène intérieure de oui, c'est une forme de cinéma intérieur que nous faisons, oui, par exemple avant de nous endormir. Oui. Il y a une lumière intérieure. Il y a une lumière intérieure, et cette lumière intérieure que reprend d'ailleurs Aristote dans la définition de l'intellect, qui est comme la lumière. Cette lumière intérieure est celle qui permet de comprendre les raisons des choses qu'on a perçues. Mmh. C'est donc la raison. Donc déjà, on intellectualise pour Platon ce stade. On intellectualise et en même temps, on met dans une raison de discours ce qu'on a perçu. Oui. Cette lumière est la lumière de la parole qu'on met sur l'image. On en met toujours chez Platon. Il n'y a pas d'image sans parole. Exactement. Derrière ou autour. Et la parole ne fonctionne pas non plus sans image. Donc si elle se trompe, c'est parce que on n'a pas réussi à distinguer le vrai et le faux dans l'image qui est perçue. Alors j'aimerais demander maintenant à Anne Mercker, nous parlons de Platon, si ça ne vous ennuie pas, on parlera d'Aristote après. Pourquoi justement dans le Thé et Tête, Platon, qui est un autre dialogue de Platon, mais il me semble qu'il y a des échos avec le Philebe dont nous parlons, pourquoi Platon dit que l'âme est une cire imprégnable par les sensations, si je comprends bien, que nous éprouvons, on peut donc les reproduire par image, il parle d'un kérinon. Ekmageron, Ekmageion, c'est ça la cire imprégnable. Expliquez-moi, s'il vous plaît. C'est l'image. En fait, ça correspond exactement à ce qu'on appelle en français la notion d'impression, impression sensible. Oui. Hein, dans impression sensible, il y a vraiment l'idée d'imprimer. Et ce kérinon, donc kérinon, c'est en cire, et ekmageion, c'est cette espèce de réceptacle malléable, alors qui doit être suffisamment mou et pas trop dur, mais pas trop mou non plus. Parce que si c'est trop mou, les traces s'impriment mal, c'est trop fluide. Et Platon essaye de rendre compte de la première acquisition des traces sensorielles qui vont devenir des traces mémorielles. Oui. Et en fait, l'imagination a souvent beaucoup de choses à voir avec la mémoire. On a un peu du mal à la distinguer aussi bien dans la théorie d'Aristote que chez Platon, parce que dans le fond, dans la fantasia, comme dans la mémoire, je reviens à cette idée d'internalisation de la donnée sensorielle. Oui, c'est ça l'enjeu. Parce qu'en oui. fait, je dirais peut-être le problème ou la beauté et la richesse de la sensation, c'est que normalement, il faut un objet externe pour sentir. Or, précisément, dans l'imagination, nous perdons ce rapport à l'objet externe, ce qui est, entre guillemets, un défaut, puisqu'il n'y a plus la garantie d'objectivité, mais c'est la richesse aussi de l'imagination ou de la trace mémorielle, d'avoir une certaine autonomie, une autonomie à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur du corps. Et ce Kerinon Egmageion est en fait la première étape de cette acquisition. Alors le problème, c'est que ce Kerinon Egmageion, que vous dites, cette cire, semble, cette image suppose que c'est assez fidèle. Les sensations s'impriment et puis elles se reproduisent et c'est notre cinéma intérieur. Et puis néanmoins, dans le même tête de Platon, ce dialogue que nous venons d'évoquer, Platon semble ne pas faire une grande confiance à l'imaginaire, puisque lorsqu'il évoque le travail de Socrate, c'est Socrate qui parle, son travail d'accoucheur d'âme, accoucheur quand même de vérité, il dit ceci, il faut être capable d'éprouver, il parle de lui qui parle à un jeune homme, lui doit être capable, Socrate, d'éprouver par tous les moyens si la pensée du jeune homme, donc qu'il est en train d'interroger, donne naissance à de l'imaginaire, c'est-à-dire à du faux, ou au fruit d'une conception, c'est-à-dire à du vrai. Le moins qu'on puisse dire, Anka Vassiliou, c'est que là, Platon fait dire à Socrate, dans son dialogue, que l'imaginaire, c'est du faux, en général. Oui, en général, mais... Et donc, précisons, il ne fait pas confiance. Que cette image de la cire qui reçoit le sceau des impressions reprend en fait, ou est reprise selon la chronologie des dialogues, cette image du livre. Oui. Le livre est un livre en cire, c'est des tablettes de cire sur lesquelles on écrit. Donc cette image de l'âme qui est comme un livre ou qui est comme une cire imprégnable est la même dans le Philebe et dans le Tête-Tête. Maintenant, le fait qu'on puisse se tromper, oui, on puisse se tromper comme lorsque, en voyant de loin les choses, on les voit entre l'ombre et la lumière, comme dans une espèce de schiagraphia, comme dans La République aussi, et on ne distingue pas les choses précises qui peuvent non pas fonctionner dans le rapport de la lumière et de l'ombre, mais comme un reflet dans les eaux ou dans le miroir. C'est le texte de Tête-Tête, oui, dont il est question. Ceci est discuté dans un autre dialogue qui précise exactement ce rapport au faux qui est possible par l'usage des images. Alors précisez-le-moi, parce que je ne comprends pas sophiste. Pourquoi forcément cette cire se trompe, et on a quand même l'impression que Platon dit puisque, ça. Puisque ce n'est pas la cire qui se trompe, c'est la manière dont on considère ce qui s'imprime dans l'âme. Oui. C'est-à-dire que dans le sophiste, on accuse le sophiste de parler en images. Et la question qui se pose, et elle est directement liée à l'imagination, quand on tient un discours avec des images, on projette des images dans l'âme de celui qui écoute. Et selon que cette âme qui écoute et qui s'imprègne des images arrive à distinguer les images qui sont précises et qui produisent les choses, ou des images fausses qui sont des apparitions fausses, comme des fantasmas, des fantasmata, exactement. Dans ce cas, on peut obtenir des opinions et non pas la connaissance vraie des choses. D'accord. C'est donc un problème du rapport au langage qui produit des images qui s'imprime dans l'âme. Donc, le relais de la sensation, oui, le relais, c'est le discours. D'accord. C'est le discours. C'est lui qui peut surinterpréter l'image que notre cire intérieure, c'est comme ça que parle Platon, nous donne. C'est moins l'imagination, finalement, qui est fausse que, justement, comme dit Platon, l'imaginaire, c'est-à-dire l'ensemble du discours imaginaire que nous produisons à partir des images qui se sont imprégnées en nous. Est-ce que la phrase que je viens de prononcer, ça va à peu près à Anne Mercaire? Oui, on peut le dire comme ça. Je crois que on peut aussi le réexprimer avec l'idée qu'il y a une précipitation du jugement, et il y a un écart entre la qualité des données sensorielles, mémorielles et imaginaires d'apparition des images et la volonté effectivement de juger. Je voudrais juste revenir sur l'image de la cire. Oui, bien sûr. Malgré tout, une empreinte, même quand elle est fidèle, il y a toujours de la déperdition, puisque d'abord l'empreinte ne donne pas la totalité de l'objet, on ne garde par exemple que la figure si on prend vraiment l'image de l'empreinte au sens strict, mais il y a quelque chose qui part, tout n'est pas retenu, et en outre, il y a certains esprits comme certaines cires qui vont émousser l'image, qui vont faire, par exemple, les angles ne sont pas bien respectés, etc. Donc il y a de toute façon une transformation de l'image. L'empreinte n'est jamais neutre. L'empreinte n'est jamais neutre, elle dépend aussi. C'est une relation entre ce qui s'imprime et l'état de l'âme qui reçoit cette impression. Les choses Entendu. Se font dans les deux sens. Alors il y a un type d'image dont il semble que Platon dise qu'elles sont particulièrement exactes. Ce sont celles qui nous viennent dans les rêves, parce que, si j'ai bien compris, Platon dit que les rêves nous viennent de Dieu ou des dieux. Est-ce que je me trompe ? Alors, il y a une tradition archaïque de divination par le sommeil. La plus célèbre, c'est au début de l'Iliade, Zeus qui veut tromper Agamemnon et qui lui envoie un rêve pour lui faire croire que là, il peut lancer l'offensive. Voilà, c'est un exemple extrêmement célèbre, même de, non seulement de divination, enfin de message onirique envoyé par un dieu, mais en plus, c'est trompeur. Donc, je fais remarquer que la tradition archaïque, déjà, je trouve déjà que les dieux nous manipulent un peu. Il faut déjà faire attention, ça nous dit déjà, oui, les rêves viennent des dieux, mais en fait, faut pas trop s'y fier. Platon reprend pas exactement pour les rêves, il reprend ça dans un passage très compliqué dans le Timée, au niveau du rôle du foie, où finalement le foie serait un organe que l'intellect serait capable de comprimer, de rendre plus amer, etc., pour se faire obéir des appétits. Là, vous touchez un point un petit peu difficile. D'ailleurs, on se demande où elle est logée, la Fantasia. Et de temps en temps, chez Platon, on a l'impression qu'elle n'est pas dans l'âme, elle est dans le foie. Disons qu'il y a des apparitions, il y a des fantasmata qui viennent du foie, comme si c'était un miroir, et le miroir c'est à nouveau un porteur d'empreintes, chez Platon, il n'y a pas de réflexion de la lumière, et moi je le comprends en fait presque comme une sorte d'interprétation de la crise de foie, c'est-à-dire, bon, bah, les appétits... qui n'existe pas en médecine, comme vous oui, savez. Oui, peut-être, mais enfin les appétits, on veut toujours manger, on n'écoute pas la raison, bah, la raison en quelque sorte se rattrape et utilise justement des fantasmata, des impressions sensorielles, imaginaires qui se concentrent au niveau du foie pour faire comprendre que maintenant ça suffit. Voilà, c'est bon, comme ça que j'interprète. Les rêves, d'une part, le foie, d'autre part, sont des sujets pas très simples chez Platon. Anka Vassiliou, pouvez-vous essayer de nous les éclairer l'un et l'autre ? Alors, effectivement, dans le Timée, il est question de l'aspect luisant du foie dans lequel on peut faire de la divination, mais il y a un autre passage dans la République, dans le livre 2 de la République, où Dieu lui-même peut tromper en produisant des apparitions de lui-même qui sont des apparitions trompeuses, alors que Dieu, dit Platon, est simple, complètement simple, et ne peut que être intelligé et non pas être perçu par des apparitions. Donc, le problème de la... Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que les rêves sont envoyés par les dieux au foie? Pas nécessairement au foie. C'est pas nécessairement au foie. L'exemple du foie est un peu un apax platonicien qui est dans le Timée, dans la deuxième partie où il est question des organes et de la composition de l'homme. Non, je dirais que le problème des rêves n'est pas posé directement par Platon de cette manière. Par contre, le rapport entre les images précises et les images qui peuvent tromper, qui sont fausses, est posé dans le rapport que a un discours avec les images. C'est encore dans le sophiste. Le sophiste étant le dialogue où il est le plus question de la fantasia. En réalité, c'est chez Platon le discours qui est responsable de ce que nous imaginons, de ce que nous produisons. Dans ce sens, il y a une imagination créatrice chez Platon, puisque le discours est celui qui fait les choses. Poiein kaidran, dit l'étranger dans le sophiste, c'est-à-dire que le sophiste est celui qui produit tout, à commencer avec vous et moi qui parlons, avec toutes les plantes, la terre, les animaux, le ciel et la mer, et même les dieux. Donc tout est produit par le discours, mais le discours peut produire les choses soit avec des images qui sont appelées eikastiques, c'est-à-dire des images qui sont précises, qui sont le décalque même des choses transposées, ou alors des fantasmata, c'est-à-dire des images qui sont déformées, puisqu'elles représentent le point de vue que nous avons dans le discours sur quelque chose qui est très grand. Et l'exemple, c'est quand on regarde un temple, on le voit dans sa proportion qu'il faut percevoir, mais quand il est réalisé, quand il est produit, les pièces qui sont très hautes sont plus grandes pour les voir à la taille que nous avons, nous, dans le point de perspective que a celui qui regarde le fronton d'un temple, par exemple. Alors, pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, je suis en compagnie de deux très bonnes spécialistes de philosophie grecque ancienne, Anka Vassiliou et Anne Merker. Nous parlons de l'imagination chez Platon et Aristote. Et en grec, l'imagination, qui est un mot d'origine latine, se disait fantasia. Et même si ce n'est pas tout à fait conforme à la conception romaine puis actuelle de l'imagination, néanmoins, c'est le mot imagination qu'on emploie pour traduire la fantasia des Grecs. Nous avons parlé de Platon. Nous abordons maintenant Aristote, qui est plus jeune que Platon, qui a été un de ses disciples, qui semble reprendre pas mal de choses de Platon. La question pour nous sera de savoir quelles sont les différences et y a-t-il une pensée propre d'Aristote à propos de l'imagination, de la fantasia. Commençons par un texte d'Aristote dans le traité de l'âme, où il nous dit que les sensations sont toujours vraies, l'imagination et les images qui en proviennent, c'est plus compliqué. On écoute. C'est drôle. J'ai rêvé de vous cette nuit. Vous me faisiez patienter justement parce que vous étiez avec une autre femme. C'est un rêve prémonitoire. Vous patientiez. Vous étiez donc devenue ma patiente. Vous auriez fait un très bon avocat, vous. C'est technique d'avocat de focaliser sur un mot de la partie adverse pour éviter la question qui dérange. Qu'est-ce qui serait dérangeant ici ? Cette autre femme avec qui vous étiez ? Racontez-moi plutôt votre rêve. C'est ça, je vous ai raconté. Ah non, vous ne me l'avez pas raconté, vous avez cherché à savoir quelque chose me concernant. Alors, je vous écoute. Je ne me souviens pas en détail. Hein. Je suis dans une salle qui ne ressemble pas du tout à celle-ci, mais pourtant, je sais que c'est votre bureau parce que je patiente pour ma séance. L'heure tourne, je commence à stresser. Du coup, je me lève. Et quand j'arrive dans votre bureau, y a cette femme qui est allongée sur le divan. Et là, je me mets au-dessus d'elle, et je commence à hurler dessus, je l'insulte, je l'accuse de me mettre en retard. Et elle est là, et elle dit rien, elle reste là, immobile. J'ai rien compris. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette autre femme qui vous met en retard ? Je sais rien. C'est comme si du jour au lendemain, j'étais devenue une autre femme. Une autre femme. L'autre. Mais l'autre femme dans mon rêve, en fait, c'était moi. Alors, je comprends pas pourquoi pourquoi j'étais en train de me crier dessus. Peut-être parce que cette autre femme, ça n'est pas celle que vous êtes en train de devenir, mais celle que vous ne voulez plus être. Celle qui reste là, sans rien dire, immobile, bloquée, et qui vous met en retard. Alors, pardon, chers auditeurs, petit intermède avant le texte d'Aristote que j'ai annoncé, un extrait de En thérapie, la série, c'était dans la saison 2, l'épisode 11, où nous voyons très bien que l'imagination produit des déplacements, voire des erreurs. C'est classique sur les divans des psychanalystes. Là, en l'occurrence, une patiente vient voir l'analyste, raconte un rêve. Alors, le rêve fait partie de l'imagination, en tout cas de la fantasia, aussi bien chez Aristote que chez Platon. Et elle pense que elle s'est représentée une autre femme à l'égard de laquelle elle a un peu de jalousie, hein, et un peu d'hostilité, parce qu'elle elle est l'autre patiente et qu'elle attend dans la salle d'attente. Et puis, après quelques réflexions en compagnie de l'analyste, elle se rend compte que cette autre femme qu'elle s'est représentée dans son rêve, c'est elle-même. Grand classique de la psychanalyse, puisqu'à peu près tous les personnages que nous fabriquons en rêve, en fait, sont nous-mêmes. Anne Mercker, chez Platon et chez Aristote, ce genre de déplacements qui sont analysés par des modernes, la philosophie moderne, la psychanalyse est une chose moderne, et est-ce quelque chose qu'ils auraient pu, l'un et l'autre, Platon et Aristote, appréhender malgré tout ? Alors, je répondrai davantage sur Aristote. Oui, il y a une longue analyse d'Aristote sur les rêves pour essayer d'expliquer justement comment ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment lié à l'état corporel. Mais l'état corporel est lié aussi au psychisme. Et on a des développements intéressants. Alors, on ne va pas retrouver exactement la configuration psychanalytique, mais on retrouve l'idée que finalement, l'état moral de la personne s'exprime dans certains de ses rêves. Et aussi bien Platon que Aristote estiment que plus on est troublé intérieurement, les rêves vont parler en termes éthiques, plus on est dans un dérèglement, des désirs, etc., plus on va avoir des rêves agités qui finalement reflètent notre psyché, ce que nous sommes. Et alors Aristote explique ça avec une persistance des mouvements dans le sang. Il y a toute une physiologie qui est complètement dépassée, mais qui intéresse beaucoup Aristote et qui permet effectivement de comprendre que le rêve a un rapport avec l'état intérieur. On va pas aller jusqu'à des problèmes psychologiques, etc., mais en tout cas avec un état intérieur, une disposition morale et éthique de la personne. Alors maintenant, nous allons écouter Aristote, qui lui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que les sensations sont toujours vraies, les images que nous forgeons à partir d'elles ne le sont pas toujours, et même elles sont souvent assez fausses. On écoute donc un extrait de son traité de l'âme. Que l'imagination ne soit pas la sensation, cela est évident. Et en voici les raisons. La sensation est en effet ou puissance, ou acte, par exemple vue ou vision. Par contre, il peut y avoir image en l'absence de l'une ou de l'autre. Telles sont les images qu'on aperçoit dans le sommeil. Ensuite, la sensation est toujours présente, tandis que l'imagination ne l'est pas. D'autre part, si l'imagination et la sensation étaient identiques en acte, toutes les bêtes devraient posséder l'imagination. Mais il semble bien n'en être pas ainsi, par l'exemple même de la fourmi, de l'abeille et du ver. Ensuite, les sensations sont toujours vraies, tandis que les images sont, la plupart du temps, fausses. De plus, ce n'est pas quand notre activité s'applique avec exactitude sur le sensible que nous disons que ce sensible nous apparaît comme l'image d'un homme, par exemple. C'est plutôt quand nous ne le percevons pas distinctement. Enfin, ainsi que nous l'avons dit plus haut, des images visuelles apparaissent même quand on a les yeux fermés. Alors, Anka Vassiliou, qu'est-ce qu'il y a là de différent entre Aristote et Platon ? Les sensations sont toujours vraies, les images que nous forgeons à partir d'elles ne le sont pas toujours. À ce stade, ils disent la même chose, non ? Oui et non. Non, dans la mesure où Aristote produit un changement radical de l'approche de la sensation et de la pensée en éliminant la puissance du discours qui est fondamentale chez Platon. Chez Platon, c'est le discours qui fait la part des choses. Au fond, vous diriez, je vais le dire avec des mots de philosophie moderne, que Platon est moins sensualiste. C'est-à-dire que c'est moins la sensation dans ce qu'elle a de d'extérieur au logos, ou à la parole, la sensation brute, ça peut produire des images. Aristote est sensible à cette dimension qui est comme extérieur au langage. Alors que chez Platon, tout est déjà pris dans du logos. Oui, mais il y a une raison à cela et qui vient de l'époque archaïque. C'est que le discours, je disais au début, est lié à la lumière. Fémi et phaos sont liés, sont un terme qui ont une racine commune. Et dire les choses, c'est les mettre en lumière. C'est les faire briller, les faire apparaître comme nous apparaissent les choses devant les yeux. C'est bizarre parce qu'on a presque envie de se dire que Platon était lacanien avant l'heure. Il pense que l'inconscient est un langage, alors que beaucoup d'analystes ne le pensent pas. Freudiens ne pensent pas que ce soit uniquement un langage. Il y a des images comme ça qui nous viennent avant toute mise en logos. Et finalement, Aristote le pensait aussi, à la différence de Platon. Aristote, lui, il a cette analyse d'abord par des traités qui sont consacrés à des thématiques et il était question tout à l'heure des rêves et des apparitions qui sont dans le rêve et il y a cette image qui compare le rapport du rêve à la sensation du corporel avec une image qui, regardée par une femme pendant les règles, est ensanglantée. Donc le miroir lui-même comprend une espèce de rouille qui transmet l'état dans lequel se trouve la femme qui se regarde dans le miroir. Anne Mercier, est-ce que vraiment pour Aristote, il y a des éléments dans l'imagination qui sont préalables au langage, qui sont juste des images, alors que pour Platon, tout est déjà pris dans du discours et du logos? Oui, en effet, il est beaucoup plus sensualiste et Aristote. Aristote et il travaille vraiment à penser d'abord quand même une vérité de la sensation, comme je le disais tout à l'heure en anticipant un peu, il y a quand même un acte sensoriel absolument vrai, c'est-à-dire quand je vois une couleur, il y a rien qui peut la réfuter, c'est absolument vrai. Et les rêves, et l'imagination vient de ça. Mais justement, le rêve, c'est le résultat, c'est issu de cet acte, de tous ces actes de sensation que nous faisons dans la journée, qui restent à l'intérieur du corps. Et quand, là par exemple, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir, donc nous avons des mouvements sensoriels très forts qui dissimulent d'autres petits mouvements qui restent, qui se propagent dans le corps. Et en fait, l'endormissement paralyse la sensation éveillée et permet, un peu comme à la surface de l'eau, que des mouvements plus légers fassent leur apparition. Et les rêves, c'est ça. C'est en fait la sensation qui a produit des mouvements intériorisés, qui deviennent des fantasmas, qui deviennent des images. Et ça émerge simplement parce que ça n'est plus éclipsé. Alors, on va maintenant écouter un autre texte d'Aristote qui distingue deux sortes d'imagination. L'imagination sensitive que nous partageons avec les animaux. Et vous me répondrez plus tard, mais j'ai l'impression que celle-ci est vraiment sans logos, sans discours, sans langage. Et une imagination délibérative, et là toute la question est de savoir ce que ça veut dire. On écoute. C'est en tant que l'animal est doué de désir qu'il est son propre moteur. Mais il n'est pas doué de désir sans l'être d'imagination. Et toute imagination, à son tour, est rationnelle ou sensitive. C'est l'imagination sensitive que les animaux, autres que l'homme, ont aussi en partage. Si l'imagination sensitive appartient donc aux autres animaux aussi, l'imagination délibérative n'appartient qu'à ceux qui sont raisonnables. Car pour ces derniers, savoir si l'on fera telle chose ou telle autre, c'est déjà l'œuvre du raisonnement. Et il leur est nécessaire de n'employer qu'une unité de mesure, puisque c'est ce qui est le plus avantageux qu'ils poursuivent. Les animaux raisonnables sont donc capables de construire une seule image à partir d'une pluralité d'images. Mais qu'est-ce que c'est que cette imagination délibérative, Anne Mercier ? Je ne comprends rien. C'est une bonne question, c'est une expression un peu étrange. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il peut y avoir chez Aristote une imagination sans logos, sans rationalité. Donc c'est celle que nous pouvons partager avec les autres animaux, en tout cas la plupart des autres animaux. Mais inversement, Aristote dit que dans... Il y, n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logos, il n'y a pas d'intellection sans imagination. Même dans les concepts abstraits, oui. Du moins en tout cas les concepts abstraits qui portent sur notre réel, nous avons toujours besoin d'un support imaginatif. Alors on va y venir dans un instant, à l'aide que nous pouvons avoir dans l'intellection, y compris mathématique peut-être, en prenant appui sur l'imagination. Mais répondez-moi quand même sur ce point, l'imagination sensitive et l'imagination délibérative, la deuxième étant le propre de l'être humain, si j'ai bien compris, peuvent-elles toutes les deux se tromper ? Oui, certainement. La délibération, d'ailleurs, elle-même peut être mauvaise. Mais finalement, la délibération, c'est une activité de l'intellect. C'est pour ça que je repassais par l'intellect. Mais c'est une activité de l'intellect simplement appliquée au domaine de l'action, au domaine pratique. Et si nous délibérons, par exemple, le médecin qui délibère « je veux produire la santé, quels sont les moyens que je vais utiliser ?» À chaque moment de son raisonnement, il a besoin d'un support d'image, d'un support imaginatif. Et en fait, c'est ça l'imagination délibérative. Il ne faudrait pas croire qu'il y a l'imagination et que c'est elle qui est capable de délibérer. C'est la délibération intellectuelle qui a besoin d'un substrat imagé. Alors, pour comprendre maintenant l'aide que l'imagination apporte, même à l'intellection a priori la plus abstraite, nous on pense que les maths, franchement, faire des maths, c'est extrêmement abstrait, eh bien, il y a un mathématicien contemporain qui nous dit qu'on ne peut pas faire des maths sans imagination. Écoutez-le, il s'appelle David Bessy. Il intervenait dans Les chemins de la philosophie sur France Culture en février 2022. L'imagination est la technique centrale en mathématiques. Les raisonnements mathématiques commencent souvent par la phrase « soit », ce qui laisse quand même voir de manière assez directe que c'est une affaire d'imagination. Et on ne peut pas progresser en mathématiques sans jouer avec son imagination. Le travail quotidien d'un chercheur en mathématiques, c'est d'essayer d'imaginer des choses qu'il n'arrive pas à imaginer, qui sont trop dures pour lui à comprendre, mais en jouant avec, en essayant graduellement de regarder à quel endroit il les comprend, à quel endroit il ne les comprend pas. Cette activité d'imagination a le pouvoir, et c'est une propriété du corps humain, quoi, du cerveau humain, a le pouvoir de modifier graduellement l'intuition, de la développer pour nous rendre capables d'imaginer et de comprendre de manière très sensible, directe, charnelle, ce qui a initialement était une abstraction impossible à pénétrer. Anne Cavassilio, Platon et Aristote seraient d'accord avec ce mathématicien. On a besoin de l'imagination pour faire des maths. Je crois que Platon, oui, absolument. Aristote aussi. Mais chez Platon, on revient au Timée. Le Timée est un récit de la manière dont est construit le monde. Et c'est les mathématiques qui servent pour imaginer comment le monde est construit. C'est évidemment très complexe. Il y a des figures géométriques qui s'imbriquent, il y a des rapports mathématiques, il y a des analogies qui sont des rapports de proportion entre les éléments, et il y a des éléments et les médiétés, les moyens, les milieux entre les éléments. Et tout ça est construit de manière mathématique. Le démiurge est un mathématicien. Celui qui raconte, Timée lui-même, qui vient d'Élée, est un savant en mathématiques, peut-être un pythagoricien. Le pythagorisme est évidemment une science qui mêle géométrie, mathématiques et philosophie, et Platon est très sensible et a beaucoup d'éléments qui sont probablement liés. Mais sans imagination, on ne peut pas faire le récit de cette construction mathématique. Mais je me trompe, Anne Mercker, si quand même, en disant que quand même Platon est méfiant à l'égard de l'imagination. Quand il dit au petit esclave du Ménon comment il peut trouver un théorème mathématique, il le fait arriver à une conclusion. Il ne dit pas qu'il sollicite son imagination, il dit qu'il sollicite son raisonnement. Et je rappelle cette phrase que j'ai dite tout à l'heure dans le dialogue qui s'appelle « Tête-tête » où il dit que pour accoucher les âmes de la vérité, bon, il faut faire attention à faire appel à la conception qui produit du vrai et non pas à l'imaginaire qui produit du faux. Platon est quand même très ambigu sur l'aide qu'apporte l'imagination à l'intellection. Oui, ambigu et même en fait ambivalent. Puisqu'en fait, l'imagination concerne l'image. Dans le cas du Ménon, pour le raisonnement, il y a quand même une figure qui est tracée sur le sol, donc il y a un support imagé. Or, l'image porte la trace d'autre chose qu'elle-même. Mmh. Donc si on utilise l'image pour s'élever vers l'intelligible dont l'image est censée être une image, là dans le cas de l'image mathématique, à ce moment-là l'image est féconde et elle permet, cette imagination, de s'élever vers l'intelligible. En revanche, si on confond l'image avec le réel, ce qui est le cas dans les rêves par exemple, où on vit le rêve comme si c'était du réel, si on confond, alors on s'enfonce entre guillemets dans la fausseté et on prend le faux, enfin le dégradé, ce qui est dégradé ontologiquement, on le prend pour le degré supérieur de l'être. Donc l'image est à la charnière en fait, elle nous permet de nous enfoncer dans le sensible en faisant une confusion, ou au contraire, bien utilisée par un philosophe et par un mathématicien tel que le philosophe Platon veut le voir, elle nous permet de nous élever vers l'intelligible. Et donc, Aristote alors? Eh ben alors Aristote reprend cette idée que il constate que les mathématiciens, notamment les géomètres, oui, ont besoin du tracé d'une figure, mais que leur pensée est capable de ne pas considérer la figure particulière, mais de s'élever vers les propriétés abstraites de la figure. Et il dit en fait toute pensée intellectuelle, même la pensée la plus intellectuelle, se trace intérieurement des figures. Diriez-vous qu'Aristote est encore plus d'accord avec notre mathématicien que nous venons d'entendre, David Plessis, que Platon ? Peut-être, oui, peut-être encore plus, quoique finalement Platon, dans La République, hein, a vraiment thématisé cette orientation, mais je dirais presque que c'est notre mathématicien, là, David Bessis, qui est assez platonicien, je dirais. Et finalement, si l'imagination n'est pas totalement fiable, parce que, voilà, on a bien vu que tant chez l'un que chez l'autre, tant chez Platon, chez Aristote, elle nous donne des déplacements, du faux, elle nous aide à bien raisonner, on a besoin d'elle, mais parfois elle nous fait mal raisonner. Mettons, il me semble que c'est un peu la conclusion. Est-ce que vous diriez que dans sa capacité même à créer du faux, elle est créatrice, pour les Grecs? Bah oui, elle est créatrice, non? Puisque pour créer du faux, il faut bien créer quelque chose. Elle est créatrice, si l'on veut. Il est quand même frappant, justement, l'importance que revêt pour nous cette notion d'imagination créatrice. Et quand même, il faut en prendre acte, la relative discrétion de cet aspect-là de l'imagination chez les anciens. Et alors, votre conclusion à vous, Anka Vassiliou, est-ce que vous, tout à l'heure vous l'avez dit, l'imagination est créatrice pour Platon, vous confirmez ? Elle est productrice de vérité si la distinction est faite par la raison. Ah, donc il y est. Oui. Mais le fait qu'elle puisse induire en erreur la raison dit sa créativité propre et peut-être son danger. Il n'y a pas de danger si ce n'est qu'on peut rester au niveau de l'opinion et non pas arriver à la connaissance du vrai. Finalement, le danger, ce sera pour le deuxième épisode de notre série, pour le XVIIe siècle, où là, Descartes, Malebranche, vous verrez, ils ont de la méfiance. Ils savent qu'elle peut aider l'imagination, mais ils ont vraiment, vraiment de la méfiance. À demain! J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, je savais où la trouver. Donnez-moi l'espoir. Prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. j'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Et vous entendez « J'ai encore rêvé d'elle » du groupe « Il était une fois », une chanson de 1975. Alors Anne Mercker, Anka Vassiliou, à présent je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il nous parle de la reconnaissance. Voici le premier épisode, le pourquoi du comment. Pourquoi éprouve-t-on de la reconnaissance ? Lorsque l'on dit que l'on connaît quelque chose, c'est déjà un terme très fort. Cela désigne une relation entre quelqu'un qui a conscience de se rapporter à quelque chose d'autre que lui, qu'il est capable effectivement de poser consciemment comme tel, connaître quelque chose, un objet, une table, un caillou, un téléphone. Le connaître, savoir qu'il est là, c'est déjà le mettre à distance consciemment. Ça n'est pas juste une sensation parmi d'autres. C'est le situer dans un savoir conscient, dans un savoir qu'on sait qu'il est là et que nous sommes en face de lui un sujet et un objet. Mais alors, reconnaître, chacun entend dans ce verbe un peu mystérieux quelque chose de plus qu'une simple répétition du verbe connaître. Reconnaître, ça ne peut pas être seulement connaître de nouveau, re-identifier l'objet qui est là et se remettre à le connaître comme si c'était gratuit. Chacun entend dans le verbe reconnaître, dans les enjeux de la reconnaissance, un enjeu extrêmement profond qui fait d'ailleurs que d'une manière un peu méconnue, un peu mystérieuse, Paul Ricoeur y a consacré son dernier grand livre à la fin de sa vie, Parcours de la reconnaissance, en 2004, que nous allons retrouver à diverses reprises pour discuter aussi son hypothèse. Reconnaître. C'est comme si le re de ce verbe mis avant connaître, c'est comme si le re de reconnaître accentuait, selon nous, les deux côtés de la relation et surtout la relation elle-même. Et peut-être Ricoeur ne va-t-il pas assez loin dans ce sens. Reconnaître, ce n'est pas seulement réidentifier un objet, c'est marquer aussi son altérité, sa singularité. Et surtout, reconnaître, c'est le situer dans une histoire temporelle avec nous. C'est comme si cet objet avait un lien dans notre histoire. Reconnaître quelque chose ou quelqu'un, c'est l'inscrire dans la temporalité de notre vie, c'est en faire un événement de notre vie, c'est donc à la fois souligner très fortement son altérité, peut-être sa singularité, sa différence, c'est lui, c'est c'est ceci, c'est cela, c'est bien le reposer dehors et pourtant c'est aussi l'intégrer dans notre histoire, c'est comprendre qu'il y a un lien très profond avec lui, c'est aussi admettre son existence malgré nous parfois comme on reconnaît une faute, mais c'est aussi l'intégrer à notre vie comme on reconnaît que c'est important pour nous. Il y a donc dans le reconnaître l'attestation d'une véritable relation très profonde qui peut-être constitue non seulement l'objet en face de nous mais le sujet qui connaît. Et c'est pourquoi la reconnaissance, et dans l'histoire philosophique du mot, c'est très profond, et dans le livre de Paul Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, c'est absolument central. La reconnaissance n'est peut-être pas d'abord la relation entre un sujet et un objet, mais d'abord la relation entre deux sujets, une reconnaissance de l'autre qui doit aussi me reconnaître. Et il y a donc, c'est le mouvement du livre de Paul Ricoeur, un passage de la dissymétrie à la réciprocité. Mais peut-être faut-il dire l'inverse. Peut-être est-ce bien la reconnaissance mutuelle des sujets entre eux, d'être reconnu par l'autre et d'être capable de lui dire ma reconnaissance qui me permet aussi de reconnaître et peut-être de connaître le monde. Peut-être reconnaître ne vient-il pas après connaître, après se situer dans le monde, mais peut-être avant, peut-être est-ce parce que nous nous reconnaissons dans le monde que nous pouvons connaître quoi que ce soit. Merci Frédéric Worms et merci Anne Mercker et Anka Vassiliou pour vos éclairages. à propos de la philosophie des Grecs anciens et de leur conception de la fantasia, c'était leur mot pour dire imagination. Les références de vos travaux figurent sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Vincent Rennet et Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et le reste de l'équipe, Marine Boudalier, Anna Fulpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!